à l'ombre du baobab. Avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Amel. Je fais quoi? J'envoie le jingle suivant? Allez. Hop. Allez, c'est parti. Radio FR vous présente la 6e journée intercantonale de la formation professionnelle. Nous y sommes. Eh oui, quasiment. Tout est dit, hein, pour autant dire. C'est vrai. Tout est dit, sauf nos invités. On va passer la journée voilà, aussi. Exactement. Dans le cadre de cette, sur le propos. Oui, dans le cadre de cette journée intercantonale de la formation professionnelle, c'est la 6e du nom. Et ça fait 6 ans, effectivement, que nous collaborons avec, entre autres, le service de la formation professionnelle du canton de Fribourg. C'est une journée aussi qui s'est étendue, qui s'étend année après année. De plus en plus de cantons sont également parties prenantes, donc de radio également, pour favoriser la formation professionnelle, l'apprentissage. Et comme vous le savez, tout au long de la journée, nous aurons un certain nombre d'intervenants, des magazines, des reportages, des interviews, de façon à ce que vous soyez aussi vous informés, ou vous informés plus précisément, sur ce qu'est cette journée et sur la formation professionnelle. Je vous donne déjà un numéro de téléphone, mais ça concerne avant tout, bien sûr, les entreprises qui sont à la recherche d'apprentis. C'est le 026 305 25 71 que vous pouvez composer tout au long de cette journée pour tout simplement annoncer vos places d'apprentissage potentielles. Et ce soir, nos auditrices, nos auditeurs pourront aller sur notre site www.radiofr.ch, consulter les places d'apprentissage qui ont été déposées aujourd'hui auprès du service de la formation professionnelle à travers le numéro que je viens de vous donner, 305 25 71. Voilà pour la partie introduction. Nos invités aujourd'hui sont au nombre de 2 dans cette émission. Il y a tout d'abord Christophe Nidegger, que vous avez entendu Nidegger, hein, plutôt Christophe. Comme vous voulez, à la romande, voilà, les maniques. Peu importe, on est dans un canton bilingue, tout nous convient et tout nous va bien. Vous êtes le chef de service de la formation professionnelle. Vous étiez déjà ce matin en compagnie de la rédaction, dans l'émission Jamais trop tôt, pour parler un petit peu de cette journée, bien sûr. Et puis il y a avec vous également Claude Ambrosini. Ça se prononce à l'italienne. Voilà, tout à fait. Ça va comme ça? Ça va très bien comme ça. Vous êtes vous-même le directeur de Liber Machine à Bulle, qui est une entreprise extraordinaire, un groupe mondial qui occupe plus de 40 000 personnes, pas sur le site de Bulle, hein, je le précise, mais dans sa globalité. Exactement. C'est à peu près ça. Exactement, c'est tout à fait juste. À Bulle, je crois que vous êtes une... À Bulle, on vient de fêter le 1000e collaborateur il y a à peu près 3 semaines. On a eu la chance d'organiser une petite fête pour recevoir notre 1000e collaborateur. Alors c'est quelque chose de très formidable, puisque j'ai été un des tout premiers collaborateurs de Liber à Bulle. Ah d'accord, donc finalement vous étiez un des... J'étais pas milliers, le premier, mais pas, loin, presque, je pense, mais dans presque. Les 40 premiers. Oui, c'est vrai que vous nous expliquerez tout à l'heure, vous nous parlerez de votre parcours, et vous êtes arrivé alors même que l'entreprise était en train de s'implanter. Hein. Exactement. C'était un petit peu un coup de poker finalement de votre part. Peut-être. Dans un premier temps. Bien, on parle donc de cette journée. Christophe, en 2 mots, c'est vrai que cette journée a cette importance parce que l'apprentissage a son importance aujourd'hui. Effectivement, la formation professionnelle fonctionne bien en Suisse et dans le canton de Fribourg. Mais il faut toujours faire quelques piquures de rappel. Et puis cette journée en est une, avec la petite particularité cette année, c'est que la quasi-totalité des cantons suisses participent, y compris le Liechtenstein, donc qui est également formidable, oui. Qui est formidable, qui fait de la formation professionnelle comme le reste de la Suisse. Et puis c'est clair, ça me semble important de rappeler que cette formation peut amener à beaucoup d'éléments. Je crois que Monsieur Ambrosini est un très très bon exemple. Vous aurez l'occasion d'en discuter, je pense, tout à l'heure. Exactement. Et de promouvoir cette formation professionnelle qui marche effectivement très bien. Mmh. Alors c'est important parce que c'est vrai qu'il faut valoriser cette formation professionnelle, ces places d'apprentissage, sachant aussi que le chemin ne s'arrête jamais à la fin d'un apprentissage, mais au contraire, on peut toujours aller au-delà et au plus loin. Ça favorise aussi, bien sûr, les contacts, l'économie, hein, dans sa globalité. Je crois qu'aussi aujourd'hui, il est important non seulement de donner cette opportunité à des jeunes de se former, mais les entreprises y trouvent aussi leur compte. Alors ça, l'apprentissage est un excellent exemple, d'un très bon fonctionnement entre 2 partenaires principaux, qui sont évidemment les principaux fournisseurs de places d'apprentissage, qui sont donc les formateurs en entreprise, les patrons qui offrent des places d'apprentissage, et puis l'État, donc dans notre cas, dans le canton de Fribourg, le service de la formation professionnelle, qui coordonne le tout, et puis qui met à disposition notamment les écoles professionnelles, qui organisent les examens finaux, etc. Alors justement, je voulais vous poser la question, hein, Christophe Nidegger, quel est votre rôle dans toute cette grande grande politique de formation. Bien sûr, vous êtes à la tête au niveau de l'État aussi, avec un regard très particulier, mais je pense qu'au quotidien, vos tâches sont multiples aussi pour promouvoir, entre autres, cette formation. Alors, formation professionnelle fonctionne bien. C'est un peu compliqué au niveau du fonctionnement. En principe, on distingue trois partenaires, donc qui est la Confédération, évidemment, via le secrétariat d'État, la formation, la recherche et l'innovation, les organisations du monde du travail, donc les grandes associations fêtières, qui font les règlements d'apprentissage, ou aujourd'hui on les appelle ça les ordonnances de formation, qui définissent ce que doit savoir un apprenti à la fin de son apprentissage. Et puis après, les cantons sont chargés de l'application des différentes lois et des ordonnances. D'accord. Alors, ce qui fait que dans le canton de Fribourg, on s'occupe de tout l'apprentissage à partir du moment où le contrat est signé, jusqu'à l'examen final, donc à la remise des CFC ou des titres de maturité professionnelle, avec tous les partenaires qui sont concernés, donc les patrons, les commissions d'apprentissage, les cours inter-entreprises, etc. Est-ce que vous allez aussi, parfois, vous prenez, j'allais dire, votre bâton de pèlerin pour aller trouver les entreprises, pour stimuler justement la création de places d'apprentissage? Ça fait aussi partie de votre travail? Alors, ce démarchage fait également partie de notre travail. Donc, nous avons une personne, donc c'est celle qui répondra au téléphone de ce matin, Madame Cassinelli. 305-25-71. Merci de le rappeler. Qui est en charge, effectivement, de prendre contact des entreprises qui ne connaissent peut-être pas l'apprentissage, leur expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on exige aussi d'un patron, parce qu'il y a des obligations légales, et puis finalement, quel est l'intérêt de former un apprenti, et de cette façon-là, ce démarchage permet de créer également des places d'apprentissage. Et je crois que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patrons qui ont peur, finalement, de tout ce que ça occasionne, engendre aussi en termes de paperasserie administrative, d'engagement de la part de l'entreprise en soi. Donc vous êtes aussi là pour leur expliquer un peu le bien fondé, on va dire, de cette démarche, et surtout la manière de procéder. Alors la manière de procéder, il y a des obligations. Quelques craintes aussi parfois. Exactement. Alors il y a quelques obligations légales à remplir, mais de notre côté, effectivement, notre boulot, c'est vraiment de leur simplifier au maximum la vie. Et puis en cas de problème, d'essayer ou de leur fournir des solutions. Donc ça, c'est aussi une partie, on va dire, de vos activités au quotidien. Deux choses qui sont importantes, on en a parlé tout à l'heure à travers un reportage qui a été fait au château de Zehdorf, l'AFP ou les AFP, je ne sais pas exactement quelle est l'appellation juste. Ça, c'est une autre façon d'envisager la formation. Alors, les attestations de formation professionnelle, donc AFP, effectivement, AFP, c'est une formation de 2 ans. Qui existe depuis une dizaine d'années, pas forcément dans tous les métiers, mais dans une grande partie. Et puis, qui est destiné à des jeunes qui ont peut-être des difficultés scolaires, mais qui sont bons manuellement. Et puis, ces gens-là, évidemment, il faut les former. Le but, c'est qu'ils aient un titre qui soit fédéral, reconnu dans l'ensemble des cantons suisses, avec une formation qui est certifiée. Et puis, c'est surtout aussi de leur permettre d'obtenir un papier. Peut-être qu'ils ont été un échec scolaire pendant quelques années. Et puis, on est plutôt là dans une pédagogie du succès, pour qu'ils réussissent à faire quelque chose. Et puis certains d'entre eux, ensuite, avec la maturité aidant, continuent et puis répondent à un CFC. Et puis ils ont finalement le CFC. Ils ont fait mis un peu plus longtemps que les autres, mais ils ont le même papier. D'accord, donc c'est une voie qui permet alors à la fois de se former, mais de poursuivre par la suite en fonction de sa motivation, de ses capacités. Exactement. Tout comme les apprentissages, hein, parce que c'est vrai que les possibilités aujourd'hui sont multiples avec un CFC. Voilà, la belle époque où on commençait à 15 ans dans une entreprise, à un CFC, puis qu'on partait 50 ans plus tard à la retraite, est terminée. Donc effectivement, on demande aussi aux gens de continuer à se former. Lorsqu'un jeune obtient son CFC, on lui dit félicitations, et maintenant, 3 petits points. Et puis avec le développement de la maturité professionnelle, on assiste quand même à un boom. On a des gens qui sont très très bons scolairement, qui choisissent cette voie-là pour ensuite continuer dans une autre école. Et puis éventuellement continuer aussi à l'université, parce que c'est devenu une possibilité également avec une maturité professionnelle. Oui, alors c'est aussi une façon d'encourager, de valoriser l'apprentissage, sachant que c'est une voie qui nous amène à d'autres succès, pour autant qu'on en ait envie par la suite. Voilà, ça donne aussi la possibilité aux jeunes de choisir entre la voie gymnasiale, qui est tout aussi importante, ou la voie professionnelle, mais comme l'un et l'autre se croisent à un moment donné, donc un jeune gymnasien peut devenir ingénieur ou architecte, et puis un jeune qui a fini une maturité professionnelle et un CFC peut devenir docteur en droit. Par exemple. Bien. Ou peut devenir, qui sait, directeur d'une grande entreprise comme Liber. C'est un très bon exemple aussi. Puisque c'est ainsi que les choses se sont un petit peu passées pour vous, hein, monsieur Ambrosini. Oui, c'est tout à fait. C'est vrai qu'on parlait, vous étiez un des premiers employés de Liber à Bulle, et à l'époque, vous étiez employé de commerce. Vous aviez fait un apprentissage. C'est tout à fait exact. J'avais fait un apprentissage d'employé de commerce auprès de la banque cantonale à Bulle. Et puis par la suite, j'ai décidé de travailler dans la banque, ce qui rendait ma maman très très fière d'avoir son fils à la banque. Toutefois, après avoir fait deux stages, Liber s'installait à Bulle, on est dans les années 1980. Et mon papa, qui était toujours curieux de tout, m'a dit « Mais va voir regarder ce qui se passe chez Liber ». Alors évidemment, comme j'étais en congé, puisque je ne travaillais pas le jour de mon anniversaire, donc j'ai été me présenter chez Liber le jour de mon anniversaire. On m'a demandé pourquoi je venais me présenter. Et à l'époque, j'avais été reçu par le beau-fils du fondateur du groupe Liber. Et il m'a dit « Mais pourquoi vous venez chez Liber ?» J'ai dit « Ben écoutez, mon papa m'a dit « Allez voir, va voir regarder ce qui se passe chez Liber ». Alors, comme j'ai congé aujourd'hui, je me suis dit « Je viens vous voir ». Et je crois que mon discours de l'époque leur avait bien plu, puisqu'ils m'ont dit « Il faut commencer tout de suite ». Alors j'ai dit « Tout de suite, ça ne va pas le faire, mais peut-être d'ici 2 à 3 mois ». Pourquoi pas. Et j'ai donc commencé en 1980 comme comptable chez Liber. À l'époque, j'avais la responsabilité de la comptabilité analytique d'exploitation et j'étais responsable aussi de l'informatique. On parlait déjà d'informatique. Alors, c'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui, mais on parlait quand même d'informatique. Et très, très vite, mes supérieurs m'ont demandé de continuer une formation et je me suis vite rendu compte que ça pouvait ouvrir quand même pas mal de portes. Ce qui fait que j'ai continué des études pour faire un brevet fédéral de comptable, puis l'expertise en finance et controlling. Et évidemment, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes, puisqu'après avoir terminé mes études, j'ai eu la chance d'être engagé par la maison mère du groupe Liber, Liber International AG, qui a le siège à Bulle, c'est le head office du groupe Liber. Et là, j'ai eu la chance de très vite avoir pas mal de responsabilités, puisque j'ai été pendant plus de 20 ans responsable de l'établissement des comptes consolidés du groupe Liber. Et aussi, j'ai dirigé pendant quelques années l'équipe d'audit interne, ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur le monde, puisque j'ai eu la chance de visiter la plupart des sociétés Liber dans le monde. Je les visitais à peu près 2 fois par année. Donc, je voyageais entre 6 et 7 mois par année, partout dans le monde. D'accord. Il y a 5 ans. Est effectivement présent dans bon nombre de pays. Ah oui, on a des sociétés dans beaucoup de pays, évidemment sur tous les continents. Et puis, il y a 5 ans, j'ai été contacté lors d'un de mes audits que je faisais en Malaisie. On m'a demandé si j'étais prêt à relever le challenge de diriger moi-même une entreprise. Vous savez, quand on fait des audits, on a beaucoup ce rôle de coaching et de conseiller. Quand on dirige une entreprise, on doit prendre soi-même les responsabilités. Et les décisions. Et les décisions. Et c'est pas toujours facile. Et on est parfois audité par la suite. Et on est aussi audité. Alors ça me fait moins peur, par contre. Ce qui était intéressant dans ce challenge, c'était de pouvoir diriger une entreprise dans la ville où j'ai grandi, où j'ai mes amis, où j'ai ma famille. Et puis évidemment, j'ai dit, ça coûte rien d'essayer. Et maintenant, j'ai énormément de plaisir à diriger ce site, énormément de plaisir à voir aussi son développement, puisqu'on voit qu'on va investir passablement de millions dans ce site, donc évidemment ça fait rêver. Ouais, Liber, c'est vrai que c'est une magnifique entreprise et on voit la marge de progression qui a été la vôtre à partir du moment où j'allais dire à partir d'un apprentissage de commerce. Voilà, donc oui, ça ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, grâce à un apprentissage, on peut faire une très très grande carrière. On a cet aspect pratique des choses très très vite et qui ne peut être que positif lors des études. Est-ce que vous avez le sentiment que ça demande par contre plus d'énergie, plus de volonté? Est-ce qu'il faut être plus accrocheur encore parce que finalement on part d'une situation un peu plus difficile? Alors je vois mes enfants qui sont étudiants au Collège du Sud ou à l'université, évidemment, je trouve qu'ils ont quand même plus de facilité que moi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand j'ai fait mon brevet ou ma maîtrise fédérale, je travaillais toute la journée. À l'époque, on travaillait encore 45 heures par semaine, n'est-ce pas? Et puis après, j'allais au cours 3 heures, 2 soirs par semaine, le samedi matin, avec tout le travail qu'il y a à la derrière. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire des études que de faire des études universitaires que de faire une maîtrise fédérale. Ceci dit, pour moi, quand j'ai des gens qui viennent se présenter et que j'ai un choix, je me dis toujours, quand même, celui qui a suivi une filière telle que cette filière maîtrise fédérale, etc., c'est un gros travailleur. Ouais. Il n'y a pas de réussite sans travail. Exactement. Donc, il faut se battre et se vendre, on va dire, mais par contre, le résultat est souvent là parce qu'on a cette habitude d'être proactif. Voilà, on est très travailleur. Et des travailleurs. Mais je trouve que assez bon dans une entreprise comme la nôtre d'avoir un mélange. Hein. On a un mélange entre des universitaires, entre des gens qui font des maîtrises fédérales. Mmh. Et je trouve que ce mélange est très sain et très bénéfique pour notre société. De savoir aussi. Voilà, exactement. Au bénéfice d'une entreprise telle que la vôtre. Exactement. Hein. Oui, alors pour vous, Liber, c'est une société aussi apporteuse, parce qu'on le verra tout à l'heure, elle forme bon nombre d'apprentis, donc elle s'engage aussi dans cette voie-là. Pour mieux comprendre votre travail aussi, quelles sont vos relations avec Liber? Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement? On fonctionne très bien. Vous êtes les deux, c'est tant mieux. Là, on s'entend, non, on s'entend très bien. Donc, les relations entre le canton et puis un maître d'apprentissage se déroulent dans le 99% des cas extrêmement bien. Il n'y a pas de souci. Donc, il signe un contrat d'apprentissage. Le jeune est signalé chez nous. Il suit les cours de l'école professionnelle et puis ça se passe très, très bien. S'il n'y a pas de choses désagréables, on ne voit pas forcément non plus les patrons tous les jours. Je pense. Tout se passe bien. C'est d'autant plus qu'ils ont autre chose à faire aussi. Exactement. Ils investissent déjà beaucoup de temps, effectivement, pour former des apprentis. Donc, si tout va bien, on ne va pas intervenir. Et puis, de l'autre côté, évidemment, on garde toujours un contact. Bon, s'il y a des difficultés, bien évidemment. Mais des grandes entreprises, telles que Liber, sont aussi un très bon exemple. C'est aussi un très grand pourvoyeur de places d'apprentissage. Donc pour nous, ce sont des partenaires qui sont extrêmement importants. Oui, alors je le dis aussi parce que je me souviens que l'an passé, on avait évoqué, ou en tout cas en aparté, un certain nombre de grandes entreprises qui réchignaient parfois un peu à prendre des apprentis. Alors même qu'effectivement, ce sont des entreprises qui ont peut-être des structures et qui ont aussi la capacité de gérer des apprentis. Et proportionnellement, on remarque quand même, c'est les petites et moyennes entreprises qui forment le plus d'apprentis proportionnellement au nombre d'employés qui sont effectivement dans ces entreprises-là. Donc d'où aussi notre prise de contact avec ces grandes entreprises pour les encourager à former encore plus. Mais dans ce cas-là, Liber joue très bien son rôle. Alors on reparlera effectivement de Liber tout à l'heure par rapport à votre engagement en termes de places d'apprentissage. On se retrouve après quelques notes de musique. Je vous donne une fois de plus le numéro de téléphone que vous pouvez composer si vous êtes entrepreneur ou si vous avez des entreprises et que vous souhaitez mettre à disposition des places d'apprentissage. C'est le 026 305 25 71. Tout au long de cette journée, ce soir, les places d'apprentissage qui auront été annoncées à ce numéro seront visibles sur le site de Radio FR, www.radiofr.ch. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, des non mauvais choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leur signe de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend la colombe, de ce que t'étais belle et des rives arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans scier. Alors souris. Dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers. Et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que d'eux. J'en mettrai bien ma main à couper au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. Dans ce bal déclassé, encore je vois large. Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage. Mais y'a rien d'autre à dire, et veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais y'a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais que veux-tu? À l'ombre du baobab. Et dans 150 ans, Raphaël sur Radio FR, et dans 150 ans, que se passera-t-il au niveau de la formation professionnelle? Christophe, vous pouvez d'ores et déjà nous le dire. C'est une bonne question, on se la pose, et que va venir la formation professionnelle? Alors, on ne réfléchit pas à 150 ans, très honnêtement, on est plus à une vision 10 à 20 ans. Oui, c'est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous vivons cette 6e journée intercantonale de la formation professionnelle, que vous pouvez déposer vos places d'apprentissage au numéro suivant 026 305 25 71, et que ce soir, vous pourrez consulter les places qui auront été mises à disposition sur le site de Radio Fribourg, www.radiofr.ch. Christophe Nidé, qui est chef du service de la formation professionnelle, est avec nous, de même que Claude Ambrosini, qui est directeur de Liber à Bulle, grande entreprise qui a démarré à Bulle en 81, enfin pas l'entreprise, mais Bulle, le site de Bulle s'est ouvert en 81, vous étiez un des premiers employés de commerce, du reste Claude Ambrosini, on en parlait tout à l'heure, avec le cursus qui est le vôtre, et c'est à partir, je crois, que les premiers CFC ont été réussis à partir de 1984, ça veut dire que tout de suite, Liber a décidé de consacrer du temps à la formation professionnelle et d'engager des apprentis. Voilà, c'est exact. Mon prédécesseur, M. Marius Raidi, qui était directeur à Bulle, qui avait suivi exactement la même filière que moi, était très intéressé par former des apprentis. Et tout de suite, on a mis en route un système d'apprentis. Déjà en 1981, on avait engagé les deux premières apprentis employés de commerce, dont une qui fait toujours partie du personnel Liber et qui est devenue elle-même formatrice d'apprentis. Alors c'est aussi une chose intéressante, c'est vrai qu'au sein d'une entreprise, on peut évoluer d'une part, mais on peut aussi par la suite apporter ses connaissances, rendre service aussi dans le cadre par exemple de la formation comme aujourd'hui. Exactement, quand on est passionné, on peut faire de toutes sortes de choses, c'est exact. Ça sous-entend quand même aussi un esprit au sein d'une entreprise pour que les choses fonctionnent de la sorte. Un état d'esprit, disons, particulier. Oui, il faut bien savoir et se rendre compte que la jeunesse, ça représente l'avenir d'une entreprise. Et aujourd'hui, on dit de plus en plus que dans toute entreprise, on devrait former à peu près 10% de notre effectif. Donc on le voit, chez Liber, on est bien, bien loin de cet objectif, même si on a plus de 40 apprentis en formation. Mmh. Il est clair que j'ai commencé de demander à mes collègues d'intensifier la possibilité de former des apprentis. On va ouvrir de nouvelles possibilités. Cette année, on a offert la possibilité à un logisticien d'être formé comme apprenti. Et on va très probablement, à partir de l'année prochaine, offrir des possibilités d'apprentissage dans le domaine de l'électronique, où je crois savoir que M. Nidecker a d'urgent besoin. Il a le sourire. Donc, manifestement, c'est un besoin, effectivement. Ouais. Alors, évidemment, on a des métiers qui connaissent des fluctuations et le métier d'électronicien nous intéresse parce qu'effectivement, on manque de places d'apprentissage pour les électroniciens dans le canton de Fribourg. Alors, ce matin, lorsque M. Ambrosini m'a dit qu'il avait cette intention, je dis, ça m'intéresse. Alors, on va prendre contact rapidement avec la Maison Liber. Et c'est valable aussi pour les gens qui nous écoutent. Hein. Si toutefois, ils ont des places de ce type-là à mettre à disposition, qu'ils n'hésitent pas à appeler le 305 25 71. Alors, beaucoup d'apprentis, une quarantaine, vous le disiez, dans des domaines différents, puisque vous avez aussi ouvert et diversifié les possibilités de formation au sein de votre entreprise. Oui, c'est exact. Donc, nous formons des employés de commerce, on forme des dessinateurs, constructeurs industriels, on forme des mécaniciens de production, des polymécaniciens, des informaticiens, des aides informaticiens et des logisticiens. Donc à ce jour, bon nombre d'apprentis ont été formés, hein, plus de 300 je crois dans le cadre de votre entreprise. Pas tout à fait, ça pas doit tout être à, fait, mais... à peu près 250. Ouais. Bon, on n'est pas loin. Non, allez, pas loin du chiffre. C'est le prochain objectif, 300 on va dire. J'en profite juste pour vous dire que pour 2014, vous êtes d'ores et déjà je crois complet. C'est exact, nous sommes complets pour 2014. Il faut savoir que chez nous, le choix des apprentis se fait déjà à l'automne de l'année précédente. Ça veut dire qu'il faut absolument postuler en automne pour l'année suivante. Mais vous avez des places à disposition, bien sûr, pour 2015 d'employés de commerce, de dessinateurs, de mécaniciens, polymécaniciens, informaticiens, justement, logisticiens également. Tous des apprentissages avec CFC à la clé. C'est exact. Oui, alors j'ai pas de mérite parce que j'ai les chiffres sous les yeux. Mais enfin, je pense que c'est intéressant quand même de le signaler. Ce que j'avais envie de dire, puisqu'on est dans les chiffres, que le nombre de collaborateurs qui sont en relation avec la formation, formation des apprentis chez vous, c'est quand même un certain nombre de collaborateurs d'importance. 11 formateurs pour les commerces, 2 formateurs pour la mécanique, 3 formateurs pour la construction, 1 formateur pour la logistique et 1 formateur pour l'informatique. Des gens alors qui bien sûr sont des employés, des collaborateurs qui travaillent, mais qui consacrent une partie de leur temps à la formation. C'est exact. À peu près 10%, entre 10 et 15% de leur temps est consacré à la formation. Donc il faut être un vrai passionné et puis surtout il faut aimer les jeunes pour s'occuper de la formation de ces jeunes. Et avoir la capacité de transmettre aussi une envie, un savoir. Exactement. Ah ouais. Exactement. Mais c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de travailler avec la jeunesse. Avec un taux de réussite, je le dis quand même, parce que c'est sûrement une fierté pour votre entreprise de plus de 97%, je crois. Oui, c'est exact. On a sur les 230 apprentis qui ont terminé leur apprentissage, on a eu un taux d'échec de 2%, ce qui est très très faible. Et je peux vous assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit une réussite, parce que ça fait partie de la fierté de notre entreprise. Ouais. Et vous êtes le directeur de l'entreprise, mais par contre, vous n'êtes pas pour autant, bien sûr, vous n'êtes pas au contact, j'allais dire, au quotidien avec les apprentis, mais vous n'êtes pas éloigné non plus tant que ça des apprentis. Vous aimez de les recevoir de temps à autre dans votre bureau. C'est exact. Pour diverses raisons. C'est exact. Alors les raisons, elles sont très très claires. C'est quand les résultats sont excellents, comme par exemple, il y a 3 semaines, 2 jeunes ont fait un très très bon travail de maturité. 3 jeunes apprentis. Quand j'ai appris la nouvelle, je les ai tout de suite invités dans mon bureau pour café croissant, pour les féliciter. Évidemment, on félicite. Des fois, on doit aussi prendre des mesures. Quand des apprentis ont un comportement qui n'est pas celui qu'on est en droit d'attendre, ces jeunes-là doivent également passer dans le bureau du directeur pour un petit recadrage. C'est une chose très facile pour moi puisque j'ai des enfants qui sont aussi jeunes que nos apprentis, donc je sais très bien ce qui se passe dans leur tête. Et je le rappelle très souvent qu'ils représentent l'entreprise Libère et la famille Libère et qu'on est en droit d'attendre un certain comportement de leur part. Et ça fonctionne ? Et ça fonctionne très très bien, je dois dire. C'est vrai ? Oui, oui. Bon, tant mieux. Est-ce que les apprentis, parce que ça aussi, dans les diverses journées qu'on a organisées, ce sont des questions qui reviennent, ou alors des informations que l'on reçoit, est-ce que les apprentis, parfois, justement, sont à même de venir proposer un certain nombre d'idées ? Parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas, j'allais dire, les barrières qu'on se met au fil du temps, qui, naïvement, fraîchement, viennent parfois avec des idées peut-être farfelues, mais qui peuvent être intéressantes aussi. Oui, alors, chez Libère, évidemment, tout le monde peut parler avec tout le monde. Je dis toujours, la porte de mon bureau est toujours ouverte, de façon à ce que tous les gens qui ont quelque chose à dire, une idée ou une information à transmettre, puissent le faire de vive voix. Et d'autre part, chez nous, on a, comme je pense dans beaucoup d'entreprises, la fameuse boîte à suggestions où les apprentis sont susceptibles de mettre leurs idées dedans. Malheureusement, et peut-être je devrais lancer un appel maintenant sur Radio Fribourg, il y a trop peu d'apprentis qui donnent des idées. D'accord. Donc vous avez le droit de donner des idées dans la fameuse boîte à suggestions. Christophe Niedeguer. C'est intéressant parce que légalement, effectivement, les jeunes ont le droit de donner leur avis sur la formation. Donc dans les écoles professionnelles, ils ont aussi cette possibilité-là, mais qui, à mon sens, n'est pas assez utilisé. On devrait beaucoup plus signaler des choses qui ne fonctionnent peut-être pas ou des processus d'amélioration qui pourraient être intéressants. Et on en a eu quelques-uns ces derniers temps. Il fallait changer les balles du baby-foot de la cafétéria. C'était très, très intéressant, mais il y a d'autres choses dans le fonctionnement de l'école qui pourraient encore s'améliorer. Donc c'est vrai qu'on attend aussi un petit peu de leur part qui prennent un peu ces initiatives. C'est une forme d'engagement également. Vous faites des stages découvertes aussi. Oui, c'est exact. Important. Alors, nous sommes soucieux de permettre aux jeunes de trouver leur voie professionnelle et nous organisons chaque année des stages découvertes en entreprise, aux vacances de carnaval et à Pâques pour les deuxièmes années du CO et au début du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre pour les troisièmes années. Chaque année, nous recevons de très nombreuses postulations. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour dire à tous les jeunes qui nous écoutent de ne pas tarder à rechercher une place d'apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les engagements débutent de plus en plus tôt, surtout dans les grandes entreprises comme la nôtre. Et chez nous, la période de postulation s'effectue donc de juillet au mois d'octobre, avec l'engagement de nos futurs apprentis avant la fin décembre pour l'automne suivant. Ce qui fait qu'on est déjà complet pour 2014. Ben voilà, d'où effectivement le fait que vous êtes complet. Une toute dernière, deux choses encore, très rapidement, parce qu'on est presque au terme de l'émission. D'une part, vous engagez également des gens dans le cadre de l'AI. Ça, je crois que c'est aussi un investissement à signaler, parce que c'est important. Oui, c'est exact. La vie nous réserve parfois de grandes surprises et on doit changer d'orientation et on a de très fréquentes contact avec l'Office de l'Invalidité. Et dans la mesure du possible, on aime bien offrir à un ou deux apprentis l'occasion de changer de voie. Mmh. Et c'est un vrai bonheur quand on arrive à le faire. Avec un résultat. Et que le résultat est au bout. Et en général, on arrive à un très très bon taux de réussite aussi dans ce domaine-là. Alors évidemment, je le dis tout de suite, on peut pas faire que ça. Ah ben on non. est une entreprise. Mais vous le faites déjà, ce qui en soi est plutôt bien. On le fait. Est plutôt bien. Oui, on en parle aussi chaque année sur Radio FR. Et je me souviens aussi qu'on avait parlé de Liber dans ce cadre-là. Pour finir, former à un coût, c'est vrai, mais vous le dites vous-même en tant qu'employeur, nous pensons que c'est un devoir et également un investissement pour le futur, car nous avons et aurons toujours besoin d'une manœuvre qualifiée. Je crois que tout est dit ici, mais et c'est vrai qu'au-delà du coup, au-delà de l'investissement, il y a plutôt la projection dans l'avenir et dans le futur, on parlait de 150 ans, qui est importante pour une entreprise comme la vôtre. Oui, alors nous, comme l'école et comme Sunny Degger l'a dit, nous on ne travaille pas pour dans 150 ans, on a une vision à 5 à 10 ans, mais malgré tout, on sait très bien que sans formation, on va manquer cruellement d'employés et d'ouvriers. On le sait très bien aujourd'hui, le manque se fait déjà sentir au niveau des polymécaniciens et des mécaniciens. Donc si des jeunes nous écoutent et qui n'hésitent pas à venir faire nos stages découvertes, peut-être ils auront trouvé leur voie. Très bien, ben je vous remercie. On a pris un petit peu de retard dans cette journée, on va dire de retard par rapport aux infos, pas par rapport à la journée, à cette journée intercantonale de la formation professionnelle sur Radio FR. Tout au long de cette journée, un numéro de téléphone où vous pouvez déposer vos places, 026 305 25 71, à consulter ce soir la liste des places d'apprentissage qui auront été annoncées sur le site de Radio Fribourg, www.radiofr.ch. Christophe Nilegger, merci beaucoup. Merci à vous. Claude Ambrosini, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. À vous tous, à très bientôt, au revoir.